Troisième chapitre. Monsieur, je lis avec le plus grand étonnement le paragraphe de votre article intitulé « Les collectionneurs » où je suis nommé en passant. Monsieur Taylor, dites-vous, a signé des livres dont Charles Nodier a écrit le texte. Les personnes qui vous ont fourni un pareil renseignement ont étrangement abusé de votre confiance. J'ai travaillé avec M. Taylor à la rédaction des Voyages pittoresques que nous avons signés en commun, et j'ai même fourni la plus grande part des deux premiers volumes, mais non toutefois la meilleure, car les chapitres de M. Taylor relatifs aux arts ont obtenu et doivent obtenir beaucoup plus de succès que les miens. Depuis, M. Taylor a rédigé et publié seul les 10 ou 12 volumes de cet immense ouvrage qui ont paru jusqu'ici. Et si l'on m'y attribue encore quelques participations, c'est que M. Taylor a eu la politesse de conserver sur les frontispices le nom de ses anciens collaborateurs. M. de Cailleux, ex-directeur des musées, avait aussi, dans le principe, collaboré à l'ouvrage. J'ai eu l'occasion de protester souvent. Je proteste encore ici de la manière la plus formelle et sur l'honneur, auquel je n'ai jamais manqué, que je n'y suis pas pour une ligne. Mon âge, mes souffrances continuelles, l'exigence de mes travaux d'obligation ne me permettent pas depuis de longues années les études, les soins et l'entière assiduité au travail que supposent des travaux d'une telle étendue. J'ose donc compter assez, monsieur, sur l'esprit de sincérité et de justice qui caractérise tout littérateur digne de ce nom, pour espérer que vous voudrez bien réparer l'erreur dans laquelle vous êtes tombé et me laver de l'odieux soupçon d'accepter sans réclamation l'honneur d'un succès qui ne m'est pas dû. Je suis, etc. Charles Nodier. Paris, 23 mai 1843. Oh, ce bon temps de littérature honnête! Oh, cette loyauté de l'écrivain! Pourquoi les retrouve-t-on si rarement de nos jours? Pourquoi les Nodier ont-ils pour successeurs les hommes que nous connaissons? La seconde lettre était ainsi conçue. Monsieur, je viens de lire, dans le numéro de la Sylphide de dimanche dernier, un article sur M. le baron Taylor, où l'auteur prouve en même temps qu'il ne connaît pas le baron Taylor et qu'il a été bien malheureusement renseigné sur les choses qui le concernent. Je craindrais de fatiguer votre attention en signalant toutes les erreurs que contient l'article. Je signalerai seulement une assertion qui m'est personnelle. Monsieur le baron Taylor n'a jamais signé une aquarelle de moi. Il faisait des dessins très beaux avant que mon éducation d'artiste fût commencée. Et j'ai reçu de lui, je reçois encore, des conseils excellents, dictés par un goût éclairé, par un sentiment profond et poétique de l'art. Je regrette, monsieur, que vous ne connaissiez pas, entre autres études du baron Taylor, les magnifiques aquarelles faites par lui en Écosse il y a une 20aine d'années. En les voyant, vous penseriez, comme moi, que leur auteur n'a pas besoin de recourir à une main amie, et pour ma part, je vous assure que je serais fier de mettre mon nom au bas de ces beaux dessins. J'ai l'honneur de vous saluer. Dosa. Paris, 23 mai 1843. Ainsi, la mauvaise foi de la critique reçut le même jour un éclatant et double démenti. Le baron Taylor, à part la collaboration de Nodier aux deux premiers volumes, conserve le mérite intégral de son œuvre. non content de lutter par ses écrits contre les démolisseurs afin de les empêcher de détruire cette magnifique histoire de pierre écrite par les siècles sur la surface du sol, Taylor lutta par ses actes et souleva contre la bande noire l'indignation du pays. De 1818 à 1830, nous le voyons s'adresser aux chambres, aux ministres, à tous les pouvoirs, afin d'obtenir pour les études archéologiques encouragement et protection. Il signale les vieux monuments, églises ou châteaux, que l'incurie ou l'indifférence laisse tomber en ruine. Il dessille tous les yeux, il provoque une sorte de renaissance en faveur de l'art chrétien et fait voter des millions pour restaurer nos basiliques. On lui doit la conservation du plus grand nombre des richesses monumentales dont la France s'honore. L'homme qui ranimait si puissamment les arts devait avoir aussi l'honneur de ressusciter les lettres. En 1825, la Comédie-Française tombait dans le marasme et dépérissait chaque jour. Évidemment, il fallait chercher la cause du mal dans la nullité des œuvres jouées alors sur le premier de nos théâtres, car jamais pléiade d'artistes plus brillantes n'avait été chargée de les interpréter. Pour la comédie, on avait Michaud, les deux Baptiste, Armand, Firmin, Samson, Montrose, Mingeot et Mesdemoiselles Mars, Dupont, Mantes, Levert et Bourgoin. La tragédie possédait Talma, le puissant acteur, avec Lafont, Ligier et Mademoiselle Duchesnois. Mais on ne pouvait pas éternellement jouer Corneille et Molière. Les chefs-d'œuvre ont besoin de repos pour conserver leur prestige. Il est nécessaire que l'art sorte parfois des sentiers battus pour aller à la découverte. Il faut que de temps à autre il se transforme et qu'un sang jeune et chaud s'infiltre dans ses veines, dû l'inoculation enfanter la fièvre et causer le délire. Voilà ce que les vieux auteurs ne voulaient pas comprendre. Enveloppés dans leur langue classique, ils buvaient toujours au biberon d'Aristote, sans comprendre que cet éternel berceau devenait leur tombe. Ils n'avaient plus ni mouvement ni souffle. Ils se traînaient comme des larves au seuil désert du temple de la célébrité. La Comédie-Française allait mourir avec eux quand on eut tout à coup l'heureuse idée de lui donner pour commissaire royal l'homme actif et entreprenant dont nous écrivons l'histoire. Taylor jeta les yeux autour de lui. D'un côté lui apparurent la décrépitude, le dépérissement, l'impuissance. De l'autre, il vit poindre à la surface du champ littéraire quelques germes hardis, autour desquels il se hâta d'écarter les plantes mortes, et qu'il vit se développer aussitôt avec une vigueur de végétation surprenante. Une école jeune, passionnée, fougueuse, éleva la voix. Elle prêcha des maximes qui, tout à coup, par le plus étrange des galvanismes, fit ressortir de leur sommeil lugubre les larves dont nous parlions à l'instant même, et leur donnèrent pour la défense d'Aristote l'énergie qui leur avait manqué pour le travail et pour la gloire. À partir de ce moment, l'art fut sauvé. Ce n'était plus la mort, c'était le combat, c'était la vie. Le nouveau commissaire royal se boucha les oreilles lorsqu'il entendit crier à l'hérésie et à la profanation. Après le succès du Léonidas de M. Pichat, première pièce de l'école nouvelle jouée avec un grand luxe de décor, l'éditeur Barba donna un souper monstre. Tous les convives félicitèrent Taylor de sa hardiesse et Talma se jeta dans ses bras en s'écriant « Mon ami, vous êtes le sauveur de la Comédie-Française !» Ni les clameurs ni les injures ne l'intimidèrent. Il ouvrit à deux bâtons les portes de la Comédie-Française aux novateurs. Il les mit en présence de leurs ennemis et la foule accourut pour assister à la bataille. Aujourd'hui que la paix est à peu près signée, ne trouvez-vous pas qu'Hernani et Marion Delorme sont de bonnes et valables conquêtes? Nous devons au baron Taylor la révélation du génie de Victor Hugo, sans parler de 20 autres romantiques dont il a signé les titres de noblesse littéraire. Ce fut Chateaubriand qui présenta Victor Hugo en 1821 au baron Taylor. Le jeune auteur travaillait à une revue placée sous le patronage du chantre des Martyrs. Il désirait écrire pour le théâtre. Taylor, qui n'avait pas à cette époque la direction de la Comédie-Française, encouragea Victor Hugo à donner sa première pièce, Ignès de Castro, à un petit théâtre appelé le Panorama Dramatique, dont le comité de lecture était composé de messieurs Charles Nodier, Picard, Melville et Renoir. La pièce fut reçue, mais la censure n'en permit pas la représentation. Les 4 premières années de son administration courageuse ont suffi pour transformer l'art. Il a greffé sur de vigoureux sauvageons les branches de la vieille souche. La sève rajeunie bouillonne et pousse des rameaux à perte de vue. L'arbre est vivace, laissez-le produire. Aux yeux du baron Taylor, l'art est avant tout fils de la liberté. Toujours il a voulu l'affranchir de ses entraves. En même temps qu'il aplanissait la route aux romantiques insurgés, il essayait d'obtenir du pouvoir la permission de représenter les anciennes pièces défendues, principalement le mariage de Figaro. Nous avons recueilli à cet égard une anecdote curieuse. Le ministre semi-révolutionnaire qui essayait alors d'étayer avec le libéralisme un trône chancelant, M. de Martignac, connaissait beaucoup le commissaire royal. Il lui avait promis de rendre à la Comédie-Française l'œuvre de Beaumarchais. Par malheur, Charles X ne partageait pas l'opinion de son ministre. « Que voulez-vous, le roi s'y oppose ?» répondait Martignac à Taylor quand ce dernier lui réclamait sa parole. « Allons donc, est-ce qu'en fait de théâtre le roi a une volonté ? Vous n'insistez pas avec assez de chaleur, » répliquait le commissaire royal. « Permettez-moi de vous accompagner à Saint-Cloud. 10 minutes d'audience et je rapporte l'autorisation. »« Soit, » dit Martignac, « j'aime mieux cela. » Ils partirent. Charles X les reçut après son déjeuner. Quand Taylor eut présenté sa requête, le roi s'écria « Miséricorde, que me demandez-vous? Personne ici ne le veut, Martignac le sait bien. Son but, en vous amenant, est de mettre sa responsabilité à couvert. Le mariage de Figaro, juste ciel, je serais perdu. Madame, la duchesse d'Angoulême, ajouta-t-il en riant, m'arracherait les yeux. Pourtant, sire, je vous le proteste, il n'y a aucun inconvénient à craindre. Votre Majesté, d'ailleurs, ne peut continuer de proscrire une pièce dans laquelle, jadis, elle a joué un rôle à Trianon. Qui vous a dit cela ? Fit le roi. Je ne crois pas me tromper, sire, répondit Taylor en s'inclinant. Non, vous êtes bien instruit. Ah, c'était le temps de ma jeunesse. Les yeux du roi devinrent humides. Nous étions un peu fous alors. Je jouais le rôle du comte Almaviva, et Marie-Antoinette jouait Suzanne. Pauvre reine, vous me rappelez tout à la fois de joyeux et tristes souvenirs. Croyez-moi, ne parlons plus de ces choses. Enfin, sire, l'œuvre de Beaumarchais ne peut être mise à l'index quand le prince qui a bien voulu l'honorer est sur le trône. Sans doute, votre logique est adroite. Mais là, franchement, croyez-vous qu'il n'y ait aucun scandale? J'affirme à votre majesté qu'il n'y en aura pas plus que pour les pièces de Corneille et de Molière. Eh bien, arrangez cela avec Martignac, dit le roi. Il salua et rentra dans ses appartements. Vous vous êtes trop engagé, mon cher, dit le ministre, ramenant avec lui le solliciteur dans son carrosse. Aucun scandale, y songez-vous, et le monologue. Mon avis est de n'en pas couper une ligne. Fiez-vous à moi, dit Taylor. L'événement donna raison au commissaire royal. Tous les spectateurs, le jour où l'on représenta la pièce, avaient en main la petite édition Touquet. Elle était complète et se vendait 4 sous. Pour suivre les acteurs et confronter avec leur débit chaque passage de l'œuvre. Une fois certain que la censure n'avait rien coupé, le parterre applaudit avec enthousiasme et ne se livra pas à la moindre manifestation politique. Taylor fut moins heureux pour le drame de Marion Delorme. Il fit une seconde fois le voyage de Saint-Cloud et trouva Charles X inflexible. « Non, monsieur Taylor, non, je suis désolé, dit le roi, mais nous laissons aller déjà trop loin les choses. Monsieur de la Bourdonnais refuse absolument d'autoriser une pièce où un roi de France est voué au ridicule. » Monsieur de la Bourdonnais était le successeur de monsieur de Martignac. Dites à monsieur Hugo que, pour l'indemniser, je lui fais 6 000 francs de pension. Sire, dit Taylor, autorisez-moi à porter ce chiffre à 12 000. L'offre sera plus magnifique et la réponse sera la même. En effet, on sait que Victor Hugo refusa l'or qu'on lui proposait en échange de la gloire. Sous l'administration de M. de Martignac et dans ses entretiens avec le ministre, le baron Taylor avait jeté le premier plan du projet colossal qui devait, en dépit des incrédules, se réaliser un jour et transporter sur nos rivages une de ces masses de granit au flanc desquels la vieille Égypte sculptait son histoire. Les drapeaux victorieux de la France, écrivait à cette époque M. Taylor, ont vu toutes les parties du monde, et partout où ils ont flotté, ils ont montré au peuple que les Français savaient faire connaître sur la terre étrangère les bienfaits de la civilisation de leur patrie. Pour souvenir des victoires de nos armées, des étendards étaient appendus aux voûtes de nos églises. Ces trophées ont disparu. Ne serait-il pas glorieux d'élever des monuments qui rappelleraient les batailles qui en avaient doté la France, les campagnes des Français en Égypte, si glorieuses et si poétiques, égalent les hauts faits des croisades? Pas une pierre ne conserve à Paris le souvenir de cette gloire. Bossuet a dit que la puissance romaine, désespérant d'égaler les Égyptiens, a cru faire assez pour sa grandeur d'emprunter les obélisques de leur roi. La France, qui a égalé les Égyptiens et les Romains dans la guerre, devrait consacrer ses triomphes en Orient par un de ces monuments dont l'Égypte et Rome sont encore si riches. Il existe à Louxor, dans les ruines de Thèbes, 2 obélisques qu'il serait possible de transporter à Paris et qui orneraient admirablement 1 ou 2 de nos places publiques, en même temps qu'ils signaleraient, par de nouveaux témoignages, le triomphe de nos armes et la supériorité de nos sciences. Extrait d'une lettre adressée en 1828 au ministère de l'Intérieur. Par ordre de Charles X, le baron Taylor fit un premier voyage pour aller visiter les ruines de Thèbes et voir s'il était possible de transporter à Paris les obélisques dont il signalait l'existence. Son excursion fut rapide. Il rapporta des notes qui concluaient à la possibilité du transport. Mais le ministre protecteur du projet venait d'être renversé. Taylor eut à vaincre l'indifférence d'une administration nouvelle. Enfin, le baron d'Ossé, nommé ministre de la Marine, s'entoura d'une commission de savants pour examiner le projet avec eux et, le 6 janvier 1830, parut une ordonnance royale dont nous avons retrouvé le texte aux archives. Article 1er. Le sieur baron Taylor sera envoyé comme commissaire du roi auprès du pacha d'Égypte pour négocier la cession des obélisques de Thèbes et pour faire transporter en France l'obélisque d'Alexandrie. Article 2. Les frais relatifs à cette mission et au transport de ces monuments seront faits par la marine et portés au compte de ce département. Article numéro 3. Notre ministre secrétaire d'État au département de la Marine et des Colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, donnée à Paris en notre château des Tuileries. Signé Charles. Le ministre secrétaire d'État au département de la Marine et des Colonies. Signé Baron d'Ossé. Le 17 mars, Taylor s'embarque sur la diligente, corvette commandée par M. de Moulac. Mais il n'arrive en Égypte que pour apprendre de la bouche de Mehemet Ali lui-même que les obélisques dont on réclame la cession viennent d'être accordés à l'Angleterre. Une lutte s'engage entre l'envoyé de France et le consul anglais. Après des conférences sans nombre et des difficultés de toutes sortes, la diplomatie du baron Taylor triomphe. L'Angleterre se désiste. On rend à la France les deux obélisques de Louxor et on lui donne en surcroît l'aiguille de Cléopâtre à Alexandrie. Un navire construit tout exprès par M. Roland, inspecteur du génie maritime, remonte le Nil, va prendre dans la Haute-Égypte l'un de ces deux énormes blocs de pierre qui, depuis 40 siècles peut-être, dormaient sur la tombe d'un pharaon, descend le fleuve avec sa conquête, la confie aux flots de la Méditerranée, tourne par Gibraltar, longe les côtes d'Espagne et celles de France. Puis, remontant la Seine à son embouchure, comme il a remonté le Nil, arrive le 23 décembre 1833 et permet à M. Lebas, le célèbre ingénieur, de dresser sur son piédestal ce monument contemporain de Sésostris. Le baron Taylor avait reçu 100 000 francs pour ses frais de représentation et de voyage. Il n'en dépensa que 17 000 et rendit au trésor 83 000 francs qu'il pouvait conserver comme récompense de sa mission. Un pareil fait n'a pas besoin de commentaires. Avec l'obélisque, M. Taylor rapportait une foule de curiosités égyptiennes, particulièrement un magnifique sarcophage que la foule admire dans les galeries du Louvre. Pour tous ses services rendus à l'État, M. le baron, lui écrivait alors le ministre, vous n'avez voulu accepter aucun prix, aucun dédommagement. Une seule chose est digne de payer de pareils services, c'est la reconnaissance du pays auquel on les a rendus. En 1835, le roi Louis-Philippe confia à M. Taylor une nouvelle et importante mission. La France n'avait un instant possédé, sous l'Empire, les toiles précieuses des Ribera, des Velasquez et des Murillo que pour regretter plus vivement leur perte lorsqu'elle fut obligée de les rendre. On chargea l'ancien compagnon de voyage de Don Jaime d'aller acheter tous ses chefs-d'œuvre. Il partit pour l'Espagne avec 1 million et il sut, à force de recherches et d'efforts, réunir en tableau, depuis les maîtres du Moyen-Âge jusqu'à Goya y Lucientes, l'illustrateur des Capriccios, caricature politique pleine de railleries originales et de finesse. Toute l'histoire de la peinture espagnole, si puissante au point de vue de la foi et du sentiment de la couleur. Suivant un jour la route d'Alicante à Carthagène, il aperçut à l'extrémité d'un pilier en brique une tête de mort scellée dans une cage de fer. Le vent agitait la cage et faisait grincer la chaîne d'une façon lugubre. « Qu'est-ce que cela ? » demanda Taylor à un jeune berger dont les chèvres paissaient sur un monticule voisin. « C'est la tête de Don Raim, le bandit ?» répondit l'enfant. « Diable ! » fit Taylor, assez ému de retrouver son guide en si piteux état. « Il s'est donc laissé prendre ?»« Oui, » dit le pâtre. « Mais il a fallu deux régiments pour le traquer dans la montagne. C'était un brave homme, tout le pays le regrette. » L'alcade de Calaspara avait condamné Don Jaime à mort après avoir bu son xérès et son porto. Nous avons sous les yeux un article publié par le Constitutionnel et où M. Amédée de Cézanne rapporte, à l'occasion du second voyage du baron Taylor en Espagne, un fait qui honore à la fois le cœur de l'artiste et le caractère de l'homme. Au moment où il entrait dans l'église du monastère d'Alcobasa, une troupe d'individus, égarés par la fièvre des révolutions, venait de profaner la tombe d'Inès de Castro et de porter une main impie sur ses restes sacrés. Elle avait été dépouillée une seconde fois de la couronne de reine qu'elle n'avait pu porter vivante et que, morte, elle avait reçue de son époux devant toute la noblesse du Portugal. Alphonse IV, roi de Portugal, ayant appris que son fils Don Pedro l'avait épousée en secret, la fit assassiner. Don Pedro, une fois sur le trône, condamna les meurtriers au plus affreux supplice, exhuma le corps d'Inès, la couronna devant tous les grands du royaume et leur ordonna le baise-main. Ses ossements étaient dispersés sur les dalles de l'église. Monsieur Taylor s'empressa de les rassembler avec un soin religieux et après les avoir restitués à la tombe d'Inès, il alla chercher dans la petite ville d'Alcobasa un ouvrier pour la faire sceller. Ces circonstances empêchèrent l'illustre voyageur de reproduire par la moulure une tombe mutilée. Mais il rapporta de Grenade les mausolées de Philippe le Beau, de Jeanne la Folle, de Ferdinand et d'Isabelle, quatre chefs-d'œuvre sculptés dans le style le plus pur de la Renaissance. À peine revenu d'Espagne, le baron Taylor fut envoyé à Londres pour y recueillir le musée Standish, légué au roi des Français par un des plus riches collectionneurs d'outre-Manche. Ce musée, qui, outre les tableaux, les dessins et les gravures précieuses, contenait la plus magnifique collection des Haldes qu'on ait vue jusqu'à ce jour, a été vendu en 1848, ainsi que le musée espagnol. C'est une preuve de plus à ajouter à toutes celles que la Seconde République a donnée de son mépris pour les artistes. Puis, toujours infatigable et de plus en plus avide de conquêtes artistiques pour la France, il alla de nouveau visiter Rome, Naples, Palerme, descendit à Malte où il déposa sur la tombe du comte de Beaujolais le magnifique marbre de Pradier. Le comte de Beaujolais était le frère de Louis-Philippe, mort en exil, 1808. Se dirigea vers la Grèce, explora l'acropolis d'Athènes, les Propylées et le Parthénon, remonta le Bosphore, interrogea Constantinople pour retrouver les vieux murs de Byzance, l'église de Sainte-Sophie, la plus ancienne de la chrétienté, et la tombe du dernier Constantin. Passant ensuite en Asie mineure, il fouilla les ruines d'Éphèse, revint par Smyrne, Rhodes, Candie, la côte d'Afrique, et rapporta triomphalement au musée du Louvre et de Versailles une grande partie des richesses qu'on y admire. Travaillez, artistes, vous avez des modèles. Le baron Taylor a rendu le monde entier votre tributaire, mais son œuvre n'est pas complète. Il sait combien vous êtes imprévoyant, il sait dans quelle douce et dangereuse quiétude vous berce le culte des arts. Aucun de vous ne s'occupe des soins matériels et grossiers de la vie. L'or que vous gagnez se fond au creuset de l'enthousiasme, et quand vous descendez du nuage radieux où l'inspiration vous entraîne, la misère et la faim sont là qui vous attendent. Un jour, Taylor apprend qu'un jeune écrivain est plongé dans la détresse la plus profonde. Il se hâte d'aller frapper à la porte du ministre et sollicite au nom de l'homme de lettres un secours qu'on promet d'accorder aussi promptement que possible. Par malheur, dans tous nos ministères, il y a d'interminables formalités administratives. « Je me suis empressé, monsieur le baron, de faire droit à votre demande, » écrivit le ministre au bout de 3 semaines. « Votre protégé recevra 300 francs à titre éventuel. » Taylor répondit, « Monseigneur, il est trop tard. Le malheureux s'est asphyxié. L'argent ne peut même plus servir à ses funérailles. » Ce triste événement donna pour la première fois au baron Taylor l'idée d'établir en faveur des artistes pauvres des sociétés de secours mutuels. Dieu sait tout ce qu'il dépensa d'ardeur et tout ce qu'il lui fallut traverser d'obstacles pour arriver à jeter la base de ces institutions précieuses, aujourd'hui solidement assises. Que d'efforts surhumains! Que de dévouement, que de lutte pénible contre le mauvais vouloir des uns, contre l'indifférence des autres. L'archevêque de Paris a dit de M. Taylor, c'est tout à la fois un apôtre de la philosophie chrétienne et de la philosophie antique. Jamais éloge ne fut plus complet ni mieux mérité. Voir à la fin de ce volume, aux pièces justificatives, 2 lettres qui nous ont été communiquées par le conservateur d'une riche bibliothèque. Elles réunissent dans la même estime et dans la même admiration pour le baron Taylor des hommes entièrement opposés de mœurs, de religion et de langage. Nous avons fait traduire ces lettres pour nos lecteurs. L'Association des artistes dramatiques, fondée la première, a aujourd'hui 30 000 livres de rente qu'elle distribue en secours et en bienfaits sous la haute surveillance du baron Taylor. 1 200 secours annuels ou pensions sont accordés aux vieux artistes, à leurs orphelins et à leurs veuves. Ces rentes sont le produit de fêtes, de concerts, de messes solennelles, de loteries de bienfaisance provoquées, organisées, dirigées par l'illustre fondateur. Après l'Association des artistes dramatiques, il a créé celle des musiciens, celle des peintres et celle des inventeurs industriels. Les musiciens ont 16 000 livres de rente, les peintres 15 000 et les inventeurs 1 200. Cette dernière association, la plus récente de toutes, ne tardera pas à conquérir une fortune égale à la fortune de ses sœurs. Président de toutes ces sociétés, unies entre elles par les liens les plus sympathiques, le baron Taylor les a noblement amenés au secours de la Société des gens de lettres le jour où celle-ci fut menacée de ruine par Madame George Sand. Il a donné là un exemple de confraternité dont le grand écrivain socialiste doit tenir note pour apprendre lui aussi à mettre d'accord ses actes avec ses prédications. Depuis ce jour, la Société des gens de lettres s'enorgueillit du patronage du baron Taylor. Toutes les infortunes littéraires sont secourues. La caisse, un instant vidée par les huissiers de Madame Sand, se remplit chaque jour. Taylor a supprimé l'hôpital pour les gens de lettres. Nous avons aujourd'hui plus de 100 000 francs qui appartiennent à nos confrères malheureux. En somme, le baron Taylor a créé 65 000 francs de rente, sans parler de près d'un million distribués en secours et en pensions aux lettres et aux arts. On a dit de Taylor, c'est le prototype de la bienfaisance. Effectivement, toute sa vie est consacrée aux bienfaits. Ses pas se dirigent sans cesse vers le même but. Il triomphe des difficultés les plus insurmontables et saurait tirer de l'or d'une pierre quand il s'agit de venir en aide à un artiste ou de l'encourager dans la lutte. On a osé dire que le baron Taylor, en travaillant pour les autres, travaillait aussi pour lui-même. Jamais plus impudent mensonge n'a été soutenu. L'homme qui a rassemblé des millions pour les distribuer à nos caisses de secours s'est trouvé tout à coup aux portes de la misère le jour où la République de 1848 lui a supprimé ses appointements. Il a vécu de la vente d'une partie de sa bibliothèque et nous avons tous vu briller sa croix de commandeur sur un habit qui était loin d'annoncer l'opulence. Nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1822, il fut élu au grade d'officier en 1833 et obtint la dignité de commandeur le 19 mai 1837. Louis-Philippe voulait l'élever à la pairie et créer tout exprès pour lui un ministère des lettres et des arts. Si M. Taylor n'exerce pas officiellement ce haut emploi, il en remplit par le fait toutes les fonctions. Gratis pro deo. L'Institut lui a ouvert ses portes en 1847. Pour le baron Taylor, vendre ses livres est le signe d'une détresse suprême. Où était donc sa fortune? Qu'étaient devenus les bénéfices secrets qu'on le soupçonne de réaliser? Personne, à aucune époque, ne l'a vu se livrer à la dépense. Il vit comme un anachorète, couche sur un simple matelas au milieu de ses livres et déjeune avec un pain de 10 centimes et un verre d'eau. Mais arrêtons-nous, c'est lui faire injure que de le défendre. Autour de lui, pour imposer silence à ses détracteurs, 5 associations d'artistes protestent de leur éternelle gratitude et le nomment leur père. Nous défendons à la calomnie la plus haineuse de flétrir cette belle existence toute de sacrifices, de dévouement et d'abnégation. Si l'on veut trouver un génie aussi persévérant et aussi infatigable pour le bien, il faut remonter à Saint Vincent de Paul. Fin. Les hommes de lettres et les artistes oublient au milieu de leurs travaux que la misère, cette mort anticipée du génie, les frappe et les brise trop souvent dans leur vieillesse. Ayons de l'ordre, de l'économie et de la prévoyance, trésors inépuisables pour eux dans leur avenir. Marchez auprès de moi, fondons nos associations, courage. Dieu nous inspire et nous conduit. Baron Taylor. Pièce justificative. Lettre du cheikh Abou Ghos, chef indépendant établi entre Jaffa et Jérusalem et à El Quarier, Saint-Jérémie. Il commandait à 10 000 cavaliers et il fit la guerre à Ibrahim Pacha. Très illustre et très honorable ami, monsieur le baron Taylor, que Dieu le conserve. Après vous avoir présenté nos vœux sincères, le but de la présente est, premièrement, de nous informer de votre santé. Secondement, de vous témoigner notre joie de votre heureuse arrivée dans nos contrées et de vous inviter à descendre dans notre demeure, qui est bien véritablement la vôtre. Déjà, notre cœur est rempli d'amitié pour vous. Nous nous rappelons sans cesse votre bonté, la douceur de votre caractère et vos bons procédés à notre égard. votre cœur vous est garant de la vérité de ses paroles. Votre lettre amicale nous est heureusement parvenue, ainsi que le magnifique présent d'une paire de pistolets et d'une longue-vue. Cette lettre vous était inspirée par la sincérité de votre cœur, et nous nous en glorifions aux yeux du monde. Nous avons tous rendu des actions de grâce à votre bon souvenir et à votre sincère amitié. On rencontre peu d'hommes aimant comme vous à faire le bien et à cultiver l'amitié. Nous ne cessons, jour et nuit, de prier pour votre illustre personne, et nous n'oublierons jamais vos bienfaits. Tout ce qui vous appartiendrait ou serait muni d'un mot de votre main est sûr de trouver chez nous l'accueil le plus cordial. Le cheik a tenu parole. Un grand nombre d'amis de M. Taylor, notamment le marquis de Custine, ont reçu chez lui la plus magnifique hospitalité. L'amitié nous fait un devoir de vous accuser réception de votre noble présent et de vous prier de nous honorer de vos ordres. Mes frères, les enfants et toute ma famille, grands et petits, font des vœux pour votre prospérité. Que le Créateur Tout-Puissant daigne vous accorder ses bénédictions. Votre sincère ami, Ibrahim Abou Ghos. Le 5 de Shawwal 1247-1832. Lettre de Don J. Manuel Font. Moine espagnol qui, après avoir passé 22 ans dans les missions en Californie et au Mexique, était retourné dans son couvent de Barcelone. Ripoll, Ribas, le 18 septembre 1834. Monsieur le Baron Taylor, à Paris. Mon très appréciable ami, l'appréciée lettre, en date du 12 août passé, que vous m'avez fait la grâce de m'écrire de Perpignan, est en mon pouvoir, et au milieu de l'affliction où se trouvait mon âme, elle a été pour moi une incomparable consolation. Quand vous daignâtes honorer ma pauvre cellule, et quand vous me mîtes à même de vous connaître particulièrement, je vous montrais toute l'affection que vos richesses d'esprit et vos belles qualités devaient inspirer. Quand vous me fîtes cadeau, par l'entremise de l'aimable M. Frédéric Madrazo, d'un portrait du célèbre Chateaubriand, je fis connaître la gratitude que votre générosité et mon devoir m'imposaient. Mais ce que vous venez de m'envoyer m'a créé une nouvelle obligation que je ne saurais jamais remplir d'une manière qui satisfasse mes efforts et corresponde aux incontestables droits qu'elle vous donne sur moi. On sent dans l'ouvrage que vous m'avez donné le caractère d'un digne fils de la France ancienne et moderne. La philosophie y acquiert une splendeur nouvelle et la religion tout son éclat. Ces considérations me transportent, mon appréciable ami, beaucoup plus loin que mon cœur ne peut atteindre. Il se peut que les événements de la tant malheureuse Espagne me soient funestes, comme à ceux qui aiment le bonheur de tous. Pour m'y soustraire autant que possible, je vis retirer dans ce village, dont les pacifiques et laborieux habitants ignorent cette ville et lâche animosité, qui trouve sa naissance et son accroissement dans l'oisiveté et l'immoralité de ceux-là seulement qui se cachent entre les vices, ordinaire patrimoine des grandes populations. J'observerai de cette hauteur la marche des affaires publiques, et si elles m'obligent à chercher un asile plus sûr, j'irai avec plaisir en France, qui n'est guère qu'à 5 lieues d'ici. Dans ce cas redoutable, je recourrais aux bontés que votre générosité me promet, vous considérant comme un véritable mentor, mettant mon ignorance sous votre égide. J'aurais l'inexprimable joie de trouver les lumières dont j'ai si grand besoin. Celui qui vous remettra la présente, Monsieur Calvet, vieux ami auquel m'unissent 1000 motifs de gratitude, est digne de toute considération, parce qu'il s'est aimé ses semblables. C'est enfin celui dans la maison de qui je demeurerai pendant mon séjour à Paris. Je n'ai, mon aimable monsieur, aucun mérite qui me rende digne des faveurs dont vous m'honorez et dont je vous remercie comme je le dois. Seulement je désire que vous me procuriez l'occasion de satisfaire, au moins par mes vœux réitérés, l'agréable obligation que vous m'avez imposée de vous aimer, obligation que gardera jusqu'au tombeau. Votre très affectionné serviteur qui baise vos mains, Manuel Front.